c'est l'essence de la vie. Sans l'amour, la vie ne vaut rien. Il t'a dit qu'un enfant mystère, Michel Fanny, faire école à mystère le valet. Bibira Kimawani, Amber Vita, Tony le Prince, Papi Mouya Mados Padetti. Jamais l'espace télévisé, vie pas de cano, sauf que il n'y ma fascination en toujours la ma belle. Destination en amour et c'est pas on a mis cabane sur ton mot, puis mal en aïe, pas Michel Panzou, et le Moussamba, y'en a pour la vie papa, bébé. Jean-Claude Soumou, le boy du Chocap. A ta bâti à Kangati, ta volonté à Tseti. La chante Kassina, la Sazeti à Mamaï. La corotte la Yoba, Koumaïa et Lémi. Yoba, c'est un moulinaï, Vitaï. La corotte Satanou, Pépé à Mali. Pamakaso qui mouille la lune. Sola Kambila Michel Panzou. Yuna pura tia papa. Amiton Pita. Amel Pita. Mambo let's go. Que lo quello que yo na monta y so que limosima. Jamo koba que sanfula na como y na yo. Pateza que se huyo sanango. Si se monte mal a la biche, le vuelo de lo cual amor te va a ir. Pero chau, por un que linda lima, quita y. condicional. Oh,